Section 23 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Chapitre 23. Monsieur de la Hérodière se recueillit un moment avant de répondre à la proposition que Narbanton venait de lui adresser. « Assurément, dit-il enfin, il ne viendra jamais à l'idée de quiconque vous connaît de douter de vos paroles. La sincérité est comme la lumière, elle jaillit, s'impose aux yeux. Il y a des gens dont on ne doute pas, et vous êtes de cela. Si je vous demande de préciser ce que Georges vous a dit relativement à Charlotte, ce n'est donc pas pour passer vos paroles au crible, mais seulement parce que ces paroles ont une telle importance en ce moment qu'il ne faut pas que je puisse me tromper sur leur sens, aller au-delà de ce qu'elles disent ou rester en deçà. Vous me comprenez ? Parfaitement. Ma situation, mon cher ami, est terrible. Pendant que nous sommes ici à nous entretenir, ma pauvre enfant est là-haut, en proie à une maladie cruelle, qui, dans quelques jours, demain, dans une semaine, peut me l'enlever. Et ma fille est tout pour moi. Il ne faut pas croire que je ne suis qu'un vieux bonhomme ratatiné et desséché dans la science. Ratatiné, je le suis. Mais sous cette vieille enveloppe tannée, il y a un cœur sensible encore. Oui, j'aime la science, mais avant tout, j'aime ma fille. L'homme est resté vivant en moi, et ce que je peux éprouver de joie ou de douleur, maintenant, c'est par mon enfant et dans mon enfant. C'est par ses yeux que je vois, c'est par son sourire que je ris. Je ne veux pas la perdre. Un accès de fièvre n'est pas nécessairement mortel. Il peut l'être, et cela suffit pour que je sois plein d'inquiétude. Tout à l'heure, examinant l'état de ma chère petite, je me demandais ce que je pouvais faire pour la sauver, et je pensais à écrire à Georges. « Écrire à Georges ? » interrompit Narbanton. Voici comment je raisonnais. La syncope de ma fille s'étant produite en lisant la lettre de Georges, il était tout naturel de penser, n'est-ce pas, que c'était cette lettre qui l'avait provoquée. Pourquoi ? Parce que Charlotte avait été vivement émue en voyant son mariage rompu. Si ce mariage pouvait se renouer, la cause de l'émotion de ma fille cessait, et la maladie guérissait. Arrivé à cette conclusion, je n'avais qu'une chose à faire, écrire à Georges que les divergences qui l'éloignaient de moi n'existaient plus, attendu que pour l'avenir, je prenais l'engagement de n'avoir pas une idée à moi, pas un sentiment qui ne fût pour lui plaire, pas d'opinion qui ne fût conforme aux siennes. Un père, n'est-ce pas, peut bien faire ce sacrifice à son enfant. Un père tel que vous. Tous les pères qui voient leur fille étendue sur un lit, regardant dans le vide, agitant les mains sans former un mouvement déterminé, prononçant des paroles incohérentes. Enfin, je pensais écrire à Georges. Mais pour que mon raisonnement fût juste, il fallait partir de ce point que Georges aimait ma fille, et que c'était à cause de moi seulement qu'il renonçait à un mariage, désiré par lui. Et dans mon enthousiasme paternel, il me semblait que les choses devaient être ainsi. Comment admettre qu'on avait pu, pendant plusieurs années, vivre dans l'intimité de ma fille sans se laisser séduire par elle ? Plusieurs années ne sont pas nécessaires pour que cette séduction puisse s'exercer irrésistiblement. Vous voyez que pour Georges, cependant, les années n'ont pas suffi. Il n'aime pas Charlotte, et s'il renonce à devenir son mari, ce n'est pas seulement à cause de moi. C'est bien cela que vous me dites, n'est-ce pas ? Je vous en prie, mon ami, entrez dans tous les détails qui peuvent dissiper l'obscurité au milieu de laquelle je me débat. Tout à l'heure, en voulant rappeler Georges, je croyais avoir trouvé un remède héroïque, tandis qu'au contraire, j'exposais ma pauvre fille à une déception qui eût été plus cruelle que la première. Maintenant, ce que je cherche à tâtons est peut-être tout aussi dangereux. Voilà précisément ce qui rend ma situation si pénible. Le médecin, en venant ce matin, a constaté chez ma fille une vive céphalalgie, de la chaleur au front, la rougeur aux conjonctives, des frissons, le délire. Il a pu, se basant sur ces signes caractéristiques, diagnostiquer une fièvre cérébrale. Mais moi, sur quoi me baser ? Je ne sais rien. Je ne vois que des effets, sans pénétrer jusqu'aux causes. Et ce qu'il y a d'affreux, c'est que je sais très bien que si je n'agis pas de mon côté, tandis que le médecin agit du sien, nous ne guérirons pas ma fille. Aidez-moi donc, mon ami. Ainsi, Georges, n'est-il pas vrai, vous a dit ? Si tu trouves Charlotte adorable, que ne l'épouses-tu toi-même ? Ce sont ses propres paroles. Et que répondîtes-vous ? Rien. Tant je fus stupéfié. Les jours s'écoulèrent, une semaine, deux semaines, et nous ne revînmes ni l'un ni l'autre à ce sujet. Enfin, la situation devenant intolérable entre nous, nous eûmes une explication décisive il y a 3 jours. Franchement, Georges me dit qu'il croyait que j'aimais Mademoiselle Charlotte. Il me demanda s'il s'était trompé dans ses observations. Je lui répondis qu'il ne s'était pas trompé. Alors il ajouta que s'il avait aimé sa cousine, il me l'aurait peut-être disputé, mais que dans les conditions où nous nous trouvions, il n'avait qu'à se retirer. Que pour cela, il aurait un entretien avec vous, et enfin, qu'après qu'il serait rentré à Paris, je pourrais vous adresser ma demande. Ainsi, Georges désirait vous voir épouser Charlotte. Il croyait donc que vous pouviez vous faire aimer par elle. Nous n'avons pas agité cette question bien délicate pour nous. Je le comprends. Mais moi, aujourd'hui, je suis obligé de l'examiner. Et en même temps, je suis obligé aussi de vous adresser certaines questions que dans toute autre circonstance, je ne me permettrais pas. Il s'agit de sauver mon enfant, et devant cette considération, toutes les autres s'effacent pour moi. Soyez convaincus seulement que ces questions que je veux vous poser ne sont pas moins pénibles pour moi qu'elles peuvent l'être pour vous. Il est des choses, mon ami, auxquelles un père ne pense qu'avec une douloureuse répugnance. On élève sa fille dans la pureté, on la regarde comme un lys immaculé, puis l'âge des passions arrive, et il faut alors s'éveiller de ce rêve céleste pour descendre dans la réalité. Ma question est celle-ci. Pensez-vous que ma fille vous aime? Je veux dire qu'elle vous aimera? Je l'espérais hier. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez beaucoup mieux que moi répondre à cette question. Cela revient à dire, n'est-ce pas, car il ne faut rien laisser à une interprétation plus ou moins juste, cela revient à dire qu'après l'incident de la lettre et ce qui en est résulté, vous pensez que ma fille aime son cousin. Narbanton, sans répondre, laissa tomber ses bras et baissa la tête. Il est certain, reprit monsieur de la Hérodière, que bien des choses se réunissent pour nous faire croire que cet amour peut exister. Vous le reconnaissez vous-même? Sans doute, mais cependant, je dois dire que jamais ma fille ne m'a parlé de ses sentiments. C'est il y a quelques mois seulement que pour la première fois je lui ai appris le projet de mariage qui avait été formé entre son cousin et nous. Et alors j'ai cru devoir lui signaler ce qui me déplaisait et m'effrayait dans Georges. Je ne lui ai pas représenté celui-ci comme un futur mari doué de toutes les qualités et qu'on doit adorer. Bien au contraire. Et ce que j'ai dit de lui n'était pas pour le faire aimer. Néanmoins, l'a-t-elle aimé? Ou bien l'aimait-elle déjà? Là-dessus, je ne puis pas répondre d'une façon nette. Il semble cependant que Mademoiselle Charlotte, encouragée par l'extrême tendresse que vous lui témoignez, ne devait pas avoir de secret pour vous. Elle n'en aurait pas eu si j'avais voulu qu'elle n'en eût pas. Certainement, je n'aurais eu qu'un mot à lui dire pour qu'elle s'ouvrît à moi. Mais précisément, je n'ai jamais voulu provoquer un aveu qui m'aurait enlevé toute liberté. Qu'aurais-je fait, qu'aurais-je dit? Si elle m'avait confié qu'elle aimait Georges, tandis que ne sachant rien, j'ai pu combattre celui-ci. Ce n'était pas contre ma fille que je luttais, c'était contre Georges. Mais, à côté d'un aveu formel, il y a mille choses dans la vie pour nous révéler l'état moral d'une personne qui nous est chère, alors surtout que cette personne est pleine de droiture et de franchise, comme Mademoiselle Charlotte. Cela est vrai, et j'avoue que ces mille choses de la vie, comme vous dites, m'ont fait croire que Charlotte éprouvait une certaine tendresse pour son cousin. Quoi de plus naturel? Ils avaient été élevés ensemble. Mais de cette tendresse à une passion véritable, il y avait loin, et j'ai si peu cru à la passion que je n'ai pas cessé d'attaquer Georges. Vous avez été témoin de la guerre que je lui faisais, et qui n'avait d'autre but que de l'obliger à se montrer sous son vrai jour. Est-ce que, si j'avais cru à une véritable passion, j'aurais ainsi pris plaisir à tourmenter ma pauvre fille? Maintenant, vous me direz que si j'ai pu, avec l'aveuglement d'un père, me tromper longtemps sur les vrais sentiments de ma fille, ce qui vient de se passer a dû m'ouvrir les yeux. Cette syncope, ce délire, ne sont-ils pas les signes d'une grande douleur qui en dit plus que tous les aveux? Il ne serait pas sage d'aller trop loin dans cette voie. Je conviens avec vous que ces syncopes et cette fièvre sont des indices graves. Mais il faut aussi faire la part de la surprise. Il faut de même faire celle de la dignité blessée. Charlotte est fière, elle est susceptible, et dans la façon d'agir de Georges, il y a quelque chose qui indignerait les plus calmes. Il était le camarade de Charlotte, son ami, son frère, et sa rupture est plus cruelle que ne l'eût été celle d'un étranger. Que dit sa lettre à Charlotte? Nous n'en savons rien. Enfin, dans quelle disposition était Charlotte lorsqu'elle lut cette lettre? Nous n'en savons rien non plus. Hier, pendant notre promenade, elle paraissait bien portante, mais l'était-elle réellement? Nous devons donc nous tenir en garde contre toute exagération, ne pas nous effrayer hors propos, ne pas nous rassurer sans raison. De notre entretien résultent deux points principaux. Georges n'aime pas ma fille, et vous l'aimez, ou tout au moins vous l'aimiez. Je l'aime. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de savoir si ma fille éprouve pour Georges un profond amour, puis cela obtenu, de voir si cet amour est incurable. Ceci est l'affaire du temps. Pendant que le médecin va agir, nous ferons cet examen. Et quel rôle me donnez-vous? Je n'ai pas besoin de vous répéter, n'est-ce pas, que je suis entièrement à vous. Mon ami, j'ai pour vous la plus vive estime, et j'ai en vous la plus entière confiance. Si j'avais choisi mon gendre, c'est vous que j'aurais pris entre tous. Il n'y aurait entre nous qu'un obstacle matériel, votre fortune. Oh, monsieur! Je sais que vous avez l'âme trop haute pour penser à cela. Je serai donc le père le plus heureux de la terre si un jour vous devenez le mari de ma fille. Le rôle que je vous destine est donc tout tracé. Il consiste à m'aider à chasser de l'esprit de Charlotte ou de son cœur le souvenir de Georges. Seul, je ne réussirai peut-être pas dans cette tâche, et c'est pour cela que je vous appelle à mon aide. Je vous demande de vous faire aimer. Si vous réussissez, c'est que Charlotte n'aura pas été aussi profondément éprise que nous pouvons le craindre. Et alors, il me semble que vous ne devez avoir aucune inquiétude à la prendre pour femme. Il en sera d'elle comme de tant de jeunes filles qui n'en sont pas moins pures parce qu'il y a eu un mariage manqué dans leur vie. Si au contraire vous ne réussissez pas, vous aurez au milieu de votre chagrin la suprême satisfaction d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour sauver celle que vous aimez. Sans doute, vous pouvez être exposé à de cruelles déceptions et à de profondes douleurs. Mais aussi, quelle joie si vous triomphez. Et je crois, je sens là, il se frappa sur le cœur, que vous triompherez. Que serait l'amour si un homme comme vous ne se faisait pas aimer? Demain, revenez à cette même heure, et vous me direz à quelle partie vos réflexions vous auront arrêté. Ce n'est point la réflexion qu'on écoute quand le cœur parle. Aujourd'hui, cette nuit, demain, mon cœur me répétera toujours le même mot. Charlotte, je suis à vous. Fin de la section 23.